Thank you. Forte quand je t'ai en tête, magique, je vibre quand je te goûte, coûte que coûte, je veux vivre à ton écoute, je ne sais pas vous mais je trouve que le son est bon, je ne suis pas fou, je suis un avion, musique, tu me survis de temps en temps, surprise, j'ai encore fait du son qui détend, allez, un dernier split de ta, et promis, d'ici pas trop tard, j'aurai kické le croc, mais comme d'hab, dans le pétard, j'en ai trop, mais j'ai plus envie de boire de l'eau, grignoter des pros, ni... C'est bon, oui. Yeah. Ok. Le son coule comme du lait sur ton corps. Je roule de quoi chiller encore. Let's fly. Fais-moi taire tout ce bordel. Verse et endorme-moi. Fais-moi perdre le nord. Je veux oublier le temps. Envoyer bouler tous les poulets qui font que saouler me tente. Mais je me couche en rêvant quand dans mes tympans se déverse ça, je pourrais toucher le vent gauche, décolle en tapis volant, vogue sur des cascades de flots navigant, comme en canoë, et je plane away, comme si je glanais weed, let's fly away, musique, tu me transportes loin de cette planète, me réconforte quand je t'ai en tête, magique, coûte que coûte, je veux vivre à ton écoute. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le son est bon. Je ne suis pas fou, je suis un avion. Musique, tu me survis de temps en temps. Surprise, j'ai encore fait du ski détend. Je t'apprécie comme partir à l'étranger, voyager, bouger, manger de la bonne bouffe, affronter tous les dangers quand j'ai changé dans mes pensées, ma vision, ma façon d'engranger. Je n'ai plus de besoin de me venger. L'enjeu est simple. Quand je m'esquinte, mon vœu défunte, à mon avis, la fin justifie les moyens de s'évader. Le jeu est sain, barjou, mets fin et je mets fin. Orage décourageant qui font que bader, qui font que bader. Okay. Yeah. J'étends les bras et la mélodie me transporte. Les tympans me transpercent. Certains veulent une France forte, moi je me dis qu'abolir l'État ne serait pas une si grande perte. Mais j'en vois chier tout, plier tout sur le microphone. Et mon seul objectif de vie, je veux fuir, c'est fou. Comme si je niais tout, fouiner loup. Savour va, c'est sûr, l'instru et moi, on est comme vice et sous. Comme vice et sous. Musique, tu me transportes loin de cette planète. Me réconforte quand je t'ai en tête. Magique, je vibre quand je te goûte, coûte que coûte. Je veux vivre à ton écoute. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le son est bon. Je ne suis pas fou, je suis un avion. Musique, tu me survis de temps en temps. Surprise, j'ai encore fait du son qui détend. Détends, apaise tes tympans, mets-toi à hiberner et dis-toi qu'il est loin le printemps. Trop tard, tu l'entends, tu rentres dedans, tu voulais tracer dans ta chambre. Tu dormiras sur le divan car ce son est trop divin. Enroule-toi dans ton duvet, tu l'écoutes au soleil et tu fais une ode et duvet. Hier soir tu buvais, tu commences à décuver. Allume ta chaîne, ça fait du bien, c'est prouvé. Avec du son qui détend dedans, du son qui détend, avec du son qui détend dedans. Tu commences à comprendre qu'il est temps de se détendre. Tu voulais te défendre, mais qu'est-ce que tu veux faire à part tendre l'oreille? Un son si tendre que t'en oublies ta cendre. Vas-y, file dans ta chambre et va fendre ton oreille. Car ce n'est que du son qui détend ça. Ah. Ce n'est que du son qui détend ça. Tu veux jouer les tendus, mais t'es fou. T'as pas vu que si on dormait pas, t'aurais déjà pendu, mais t'as de la veine en fait. Parce que c'est soirée verveine au fait. Range ta coco et roule plutôt un gros pet. Ce soir on va se mettre le crâne en miettes, alors sors tes feuilles et ta camomille si t'es prêt pour la compète. C'est Bilbo sur le texte, ce soir tu peux pas tester. Tâte le canapé, pense à oublier le reste. Et dans le domaine du calage, désolé t'as pas mon âge. J'ai déjà été au pays imaginaire à la nage. Et je peux écrire des pages sur ton naufrage. Mais si t'es pas sage, ben faudra qu'on te foute en cage. Car ce n'est que du son qui détend ici. Ce n'est que du son qui détend ça. Calé cool, calumé, cocotte, collé, collé, carrément craquante. Compétition de charisme et là se dresse un sale bruit strident qui crisse mes dents et dresse mon épine dorsale. Je ne rêve plus, je crève. C'est quoi ces faux gens? Bus, métro, je suis où? La vie c'est urgent, laissez-moi tranquille. J'étais bien au Bahamas, je ne veux pas revenir. Les pieds dans la mélasse, un contrôleur passe et sans dire bonjour me fait face. Moi je le prends avec humour. Ticket, aboie-t-il. Non merci, j'en ai déjà un. Peut-être un autre jour, la réalité me colle à la peau comme une putain d'énigme d'Edgar Allan Poe. Je veux un son qui détend, eh ouais, et un peu de repos. Un hamac, un sombrero, un pulco et du tempo. Un hamac, un sombrero, un pulco et du tempo. Et puis mon épée d'art. Il me faut mon épée d'art pour dormir autant que médite un petit Bouddha. À l'heure où sortent les voleurs d'écran tactile, moi je m'emporte dans les vapeurs psychoactives. Car besoin de sève, besoin de rêve. Quand chaque matin la vie m'achève, elle est une ellipse entre la naissance et la mort, une éclipse. Le nirvana c'est quand tu t'endors. J'ai rêvé de peace, hein, et de l'amour au fond de tes iris. J'ai vu les fleurs parsemer notre maison, les rires, les pleurs de nos bambins dans le gazon. J'ai une vision émerveillée. Non, c'était trop bon, je ne veux pas me réveiller. Laissez-moi vivre dans un monde onirique. Mais dormir, c'est mourir un peu, la vie est ironique.